Écoute, je rappe mon texte pour soigner ma tête des maladies. Mon seul ami quand je voyais pas clair, à part mon cannabis. Je verbalise mes dépressions, ça neutralise mes agressions. J'analyse la vie sur du bon sens, le bon sens. Trop souvent, moi je le perds, je cours à ma perte. Y'a que le rap pour curer mes troubles et mes têtes. Mon frère, je vois pour moi mes parents pris. Il faut que j'écrive avant que je parte en vrille. Plus rien n'est garanti. On a la haine, on n'atteint pas la quarantaine, car on veut pas grandir. J'suis dans mon propre monde. Le rap c'est mon univers. Le rap me soigne et m'éloigne de Lucifer. Me rapproche de Dieu, renforce mon mental, qui me donne l'impression d'être immortel quand je me sens mal. L'écriture, j'vis pas sans elle. Le rap me soigne, il m'accompagne quand je me sens seul, c'est ça l'essentiel. Je rap mon texte pour soigner ma tête. Verbalise mes dépressions. Que le rap pour curer mes troubles et mes têtes. L'écriture, j'vis pas sans elle. Il faut que j'écrive. Le RAP me soigne et je t'assure que c'est très rapide. Il neutralise ma douleur car c'est la meilleure des thérapies. Il m'aide à m'en sortir quand ma vie va mal, c'est garanti. Il cicatrise mes plaies, mais récolte même pas la paix d'un apprenti. Il me remonte le moral quand j'ai mon cœur à bout de souffle. Il est toujours hal pour me donner un coup de pouce. Écoute, couze. C'est grâce à ça qu'il a su me combler. Il me rattrape par la main car sur mes pattes j'ai jamais su tomber. Il m'a jamais trahi donc sur lui j'ai toujours pu compter. Pour tout avouer y'a qu'au RAP que j'ai toujours su me confier. Succomber, mais pas la peine d'y penser. Écris avec le cœur sinon tu finiras dispensé. Le rap me soigne, il me régénère, je peux pas dire le contraire. Si tu doutes encore demande à la plupart de mes confrères. HIP, HOP, j'ai les stylettes inscrits dans mon faussaire. Soigner mes souffrances, c'est rien qu'à ça que mon flow sert. Je rap mon texte pour soigner ma tête. Verbalise mes dépressions. Que le rap pour curer mes troubles et mes têtes. L'écriture, je vis pas sans elle. Il faut que j'écrive. C'est mon médicament, ma thérapie. Sans elle, je fais de l'insomnie. Dans ce monde confusion, les esprits demandent à néfaste. Les jeunes n'ont plus de respect envers la mama. Bref, ce monde part en drama. Pour me relaxer, balance-moi un bol d'air de marijuana. Accompagné d'une bonne pro, tu es heureux. Je me sens bien parmi les miens. Remercie Dieu que tout va bien, boy. Mais je te le dis, sans la musique, c'est pas toujours le cas. Casse-toi de là, elle apaise ma rage de combat. Méfie-toi, respecte-la. La musique, mon unique ambition. J'accepte de travailler toute ma vie dans l'usine du son. Pour quelques francs ou quelques dollars. Non, maman, t'as pas à t'en faire, ton fils ne sera pas un dollar. Même si la weed il tolère, il n'est pas pour la guerre. L'univers est grand, important le respect de chaque être sur cette terre. N'oublions pas, né de rien, nous retournerons poussière. J'encaisse le son dans ma tête à la puissance d'un éclair. Je rap mon texte pour soigner ma tête. Verbalise mes dépressions. Que le rap pour curer mes troubles et mes têtes. L'écriture, je vis pas sans elle. Il faut que j'écrive.